nos amis, les fantômes. Vous avez un problème, nous avons un podcast. Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion. Pas de problème, ici Frédéric Barbouchy en compagnie de Jean-Philippe Durand. Salut Fred. Salut Jean-Philippe. Mathieu Bouillon. Bonsoir mes âmes sœurs. Martin Boily. Salut Fred. Boily, salut Antoine. Salut JP. Salut Mathieu. En fait, Antoine, je te salue. Hey, mais là, vous ne pouvez pas m'intégrer à la fin des bonjours, sinon Mathieu perd le momentum de sa blague. C'est vrai. Et je ne voudrais pas fâcher les auditeurs en disant... Alors, ici Frédéric Barbouchy en compagnie de Jean-Philippe Durand. Salut. Martin Boily. Salut Jean-Philippe. Salut. Salut Fred. Et Mathieu Bouillon. No habla in French. Hey, mais I'm espagnol. In French. Oh. C'est ça que je voulais dire. Ouais. La blague. Alors, messieurs... Dame, pas de problème, c'est un podcast où on prend les problèmes des gens qui sont proposés sur Facebook, Twitter, Coriel, et, En personne. Et on blow, c'est ça? C'est on bon? On blow les problèmes. Une quantité problèmes. De solutions tellement incroyable qu'ils n'ont pas le choix d'en prendre une des solutions qu'on propose. Je pense que c'est la meilleure explication qu'on a faite jusqu'à maintenant. Ouais. Alors, allons tout de suite avec le problème du jour. Jean-Philippe. Bonjour, pas de problème. J'ai un problème qui ruine mon existence depuis de longues années et qui, je crois, doit toucher beaucoup de podophiles. Imaginons la situation où vous êtes avec une personne avec qui vous voulez conserver une bonne relation pour une multitude de raisons. Amis, parents, collègues, date potentielle, etc. Et là, la personne se met à vous parler d'astrologie, de fantômes, d'esprit, de destin, de religion, etc. et vous demande votre avis sur la chose. Alors, comment répondre à la personne sans l'insulter ou créer un gros malaise? Merci, Banjo Bouchon. Oh! PS, je dois avouer qu'à chaque fois que j'entends la chaude voix d'Antoine, j'ai envie de croire en Dieu. Bon, ben c'est fini, il est rendu athée. Ben là, il ne croit plus en rien. Il va falloir qu'il compense avec ma voix. On pourrait tous avoir une voix. Moi, je crois pas. Je crois qu'il y a un enfer sur Terre avec ces voix-là. Juste une voix volutée. Hey, en passant, vous me reconnaissez du dernier podcast. Oui. Maintenant panéliste, mais d'abord et avant tout, un grand... fan de podophile. Un grand podophile, chef, amateur de votre émission. Mm-hmm. Je voulais savoir, je pose une question en nom personnel et au nom de tous les auditeurs. Oui. C'est lequel de vous trois, peut-être de vous quatre, qui dit tout le temps le « I will kill you » dans le micro? On le dira jamais. Ben là, vous pouvez me le dire à moi ou faites-le devant moi, comme ça je saurai qui le fait. I will kill you. OK, c'est toi! Mm-hmm. Bon, OK, là c'est... je le sais. I will kill you. I will kill you. Le nouveau, tu sais, d'édite. Ah, moi, me fait capoter. Hey, je pense qu'il faut commencer avec l'anecdote. Je pense que c'est Christian Laurence qui m'avait conté ça. Ouais. Un de ses amis. Un classique. Ouais, qui rencontre une fille, ça va bien. Ça fait 2 mois qu'ils sont ensemble. Le matin, ils déjeunent. Lit le journal, fait « Hey, ils ont découvert un nouveau squelette de dinosaure. » Puis là, la fille a fait « C'est quoi ça, toi? » Elle était créationniste. Oh, mon Dieu. Mais il l'a pas su pendant 2 mois. Ben, comme ça arrive pas, tu sais, ils ont juste pas abordé le sujet. Mm. C'est fou! Il était jamais rentré dans la pièce consacrée à Adam et Ève. Ouais, c'est ça. Le mausolée d'Éden. Elle a un oncle qui a voulu faire le tour du monde puis qui est tombé au bout de au bout de la terre. Ouais. S'est fait manger par un kraken. Ouais. Exact. le kraken de Pocquiaille. Ah, le bestiaire monstrueux. Ça y est, soit qu'on le plug. Tous les créationnistes croient au kraken, c'est bon. Oui. Oui. Mais il y en a ici autour de la table qui croient aux fantômes, aux esprits et tout ça quand même là. Non? Ben moi, je voudrais pas en parler parce que j'ai peur d'uriner, vous sauver. Mais tu sais, t'as pas déjà acheté de la sauge dans un... J'ai déjà fait brûler de la sauge pour éloigner les esprits, mais j'ai déjà eu une maison hantée. Où ça? J'ai déjà, quand j'habitais à Longueuil. Oui, avec c'est mes vrai. Parents, ben oui, tu m'as conté ça. Ouais. Oui, c'est selon les croyances, là. Mais moi, quand on a visité la maison à Longueuil pour la première fois de ma vie, oui. J'étais tout jeune à l'époque. Je devais avoir 10 ans à peu près. En la première visite, je ne m'étais pas senti bien. Je m'étais senti. Puis le feeling que j'avais, c'est que j'avais l'impression d'être observé. Ah oh, oui. Puis c'est juste resté un feeling. Je n'avais pas parlé à mes parents. Et puis, ils avaient visité. Puis ils pensaient faire une offre d'achat. Et un soir, ma mère est venue me voir dans mon lit pour me dire, finalement, Martin, la maison, on ne l'achètera pas. Et là, j'avais dit, pourquoi? Elle a dit, parce qu'il y a eu un meurtre dans cette maison-là. Hein? Ouais. Oh, oui. Il y avait eu un meurtre des années avant. Mon père, lui, était du quartier, était au courant de cette histoire-là. Quelqu'un s'était fait assassiner, s'était fait voler dans la maison. Et puis, maman a dit, on n'aura pas cette maison-là parce que, on a entendu les anciens propriétaires. As-tu vu Poltergeist? Non, j'ai pas vu Poltergeist, mais il y a des trucs paranormaux, des trucs... Paranormaux qui s'étaient passés là. Ah ouais. Oh, ouais. Ouais. Et puis là, moi, après ça, j'ai été mis à l'écart de tout le processus, mais... Pourtant, d'habitude, les enfants sont impliqués dans le processus. Mais c'est des années plus tard qu'ils m'en ont parlé. Okay. Mais ils ont fait venir un groupe de médiums, un gros rituel pour chasser exorciser. Ouais. Puis après ça, semble-t-il que la maison nous, était correcte. Chez nous, on sait clairement qu'il y a quelqu'un dans le mur de béton, mais... T'es pas un voisin? Ouais, je pense que oui. C'est pas ce qu'on appelle des souris? Non. Il y a quelqu'un emmuré, il est mort. Là. T'sais, quand ils ont coulé le béton, il y a quelqu'un dedans. Vous savez qu'il est là? Oui. Quelle horreur! Notre matelas est fait de mousse de personnes mortes. C'est tout, fait qu'on dort sur temps, eux. En même temps, t'es pas quelqu'un qui va rentrer dans une pièce faire j'aime pas la vibe. Oh, attends, avant d'entrer, faut que je vérifie. C'est mal connaître Martin. Ah oui? Non, mais en général, on parle pas de ça avec les personnes qu'on rencontre pour la première fois. T'sais, je me permets d'en parler avec des. On permet de parler de ses croyances avec un petit approfondissement de la relation. Oui, mais OK. Puis, vous, Mathieu, Jean-Philippe, avez-vous certaines... Moi, je suis pas complètement fermé aux idées du paranormal. Tu sais, mettons, j'écoute des trucs comme Antilles. Comme Jésus aussi. Oui, Jésus aussi. Ou même les extraterrestres, là, tout ça. Là, mais moi, on a eu une discussion où tu me demandais pourquoi je faisais pas baptiser mon enfant. Ouais, oui, je t'avais demandé ça. Ça t'a fâché, hein? Ben non, mais je veux qu'il y ait un enfant. Mais... comme son père. Mais... Banjo, lui, cherche à éviter ces conversations-là, ou du moins... Quoi faire quand ça arrive. Mais tu sais, encore une fois, je raconte une anecdote de travail de Martin et puis moi, mais ça nous est déjà arrivé quand on était à... Vous connaissiez avant. On se connaissait avant, pas de problème. On avait fait un théâtre d'été ensemble, puis un soir, quand on restait dans un chalet, il y a une fille qui était là, qui a commencé à nous raconter qu'elle, pas tant qu'elle voyait des morts... Oui, elle les voyait. Elle les voyait dans ses rêves, elle se réveillait la nuit, il y avait des personnes autour. Elle les voyait live, là. Elle dit qu'elle les voyait surtout la nuit. Ouais. Mais c'était chose courante, que la nuit, elle se réveillait et qu'il y a un petit garçon à côté de son lit. Ben voyons donc. Et qui lui demande quelque chose. Mais l'affaire qui est étrange, c'est que c'est vrai que ça crée après ça une drôle de relation de confiance parce que tu as l'impression de connaître cette personne-là. Après ça, elle te dit quelque chose comme ça. Mais tu sais, cette personne-là, elle a du sens dans la vie. Tu sais. Ça se peut. Fait que c'est dur après ça de croire en cette affaire-là, j'ai l'impression. Tu comprends? Notre sensation, c'était drôle. C'était « je m'attendais pas à ça d'elle ». Ouais. Ça arrive. Oui, ça, complètement. Mais il y a moyen aussi de... Tes explications, c'est soit un bullshit, soit elle est folle. Soit elle fait une joke, fait que t'attends toujours le gars, tu fais telle affaire, puis là, ça finit comme ça, fait que tu vas te coucher. As-tu dit ça? Mais il y a tellement d'histoires là-dessus que t'as comme pas le choix de laisser le bénéfice du doute à chaque fois. Exact, oui, mais tu sais, c'est... Je dis pas que j'y crois pas, là, mais il y a aussi le principe de la circonstance dans la vie qui est très, très fort. De la même manière que je peux me promener en auto puis dire « Pensez à une chanson, puis cette chanson-là joue tout de suite après. » C'est juste parce que les situations qui sont pas circonstancielles, on les remarque pas, tout simplement. Ouais. Mais là, c'est juste que notre esprit nous fait remarquer à quel point c'est étrange. C'est une circonstance qui fait partie du hasard, j'ai l'impression. Exact, là, peut-être. Moi, il y avait une coiffeuse à Radio-Canada qui, je sais pas, on parlait de quelque chose dans 4 ans. Puis là, elle dit, ben, de toute façon, dans 2 ans, on va tous mourir. Sérieusement, là, en parlant du 21 décembre. Non, mais il y en a beaucoup qui y ont cru, là. Mais non, mais c'est la première fois que j'en entendais parler. Okay. Puis là, je sais, hein? Quoi? Puis là, mais oui, mais là, je sais, voyons donc. Mais je pense qu'elle avait raison. Mais il me semble qu'à chaque année, il y en a un recul. Prophète qui prédit qu'il y a la fin du monde. Là. Je ne sais pas comment ils sont, eux autres, le lendemain matin. Mais moi, j'avais eu une année, il y avait un billboard sur l'autoroute pour se rendre à l'aéroport. Ouais. Puis la semaine d'après, c'était écrit « C'est reporté à la semaine prochaine! » Franchement, c'est sûr. C'est ridicule. Mais tu sais, des fois, les gens qui se disent vraiment, mettons, athées, puis qui croient à rien de tout ça, des fois, on dirait qu'ils sont autant boqués dans leur non-croyance que la personne qui est persuadée que c'est vrai. T'sais, on dirait que... Mais non, mais je veux dire, sont croyants qui a rien d'autre. Ouais. Tu vois, c'est leur croyance, pareil. Exact. Mais tu sais, comme c'est peut-être juste de ne pas traiter les autres personnes comme si c'était des imbéciles parce qu'ils pensent à ça. Tu sais, mettons ça, c'est pour répondre à sa question, tu sais, comment faire, ben c'est peut-être genre avoir un respect quand même pour les croyances, mais pour les perceptions. Ce que je changeais avec le temps dans cette affaire-là, j'ai l'impression, c'est que avant ça, les gens donnaient un nom à la suggestion. Ou tu sais, ça reste le pouvoir de la suggestion. Ouais. Tu sais, où chacun de nous, là, vous quatre, là, avant de se coucher, ça arrive des fois que tu fais « Ah, faites que j'aille cette affaire-là, j'aimerais ça que ça arrive. » Mais le fait, il s'adresse à qui, en fait? Tu sais, il s'adresse à la suggestion, tout simplement. Il y a des gens que cette suggestion-là, ils vont l'appeler Dieu. Il y a des gens qui vont... Ils ont besoin de s'adresser à quelqu'un, de sentir qu'ils ne sont pas tout seuls. Donc, c'est le même principe. Dans exact. Ouais, sauf que il reste que si... je change tous les noms des éléments clés de la religion, peu importe quelle religion, change tous les noms, puis là, je raconte ça à quelqu'un, puis change quelques faits à quelqu'un de croyant, on va me dire « Hey, c'est ridicule, c'est fou! » Ouais, tu fais « Ouais, mais c'est ta religion. » C'est là, ta religion, tu comprends? Il y a comme... Je peux comprendre pourquoi il y a des gens non-croyants qui sont boqués. Ouais. Parce que tu fais, si je donne d'autres noms à tout ce que tu dis, tu vas trouver ça fou comme moi. Exact. Ouais. Ben oui. Mais moi, personnellement, là, je m'ouvre à vous, je suis prêt à croire qu'il y a des choses que je comprends pas. Ouais. Mais après ça, de là, venir me parler de religion, on peut me parler de valeurs, ça, j'embarque, mais après ça, je sais pas. Moi aussi, je serais dans sa situation de faire... Un bon truc pour dissuader toute personne de croire aux esprits, c'est d'écouter l'émission de Chantal Lacroix, qui est encore disponible sur Illico, sur les esprits, qui était sans blague phénoménale de bullshit. C'était hallucinant. À un moment donné, je ne sais pas si vous avez écouté le premier épisode. Penses-tu qu'elle savait? Je sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'elle y croit, là, je sais pas trop. Mais à un moment donné, il visitait une maison. Il visitait une maison, c'était une femme avec son enfant. L'enfant est handicapé, je pense, trisomique, chose comme ça. Et l'enfant se réveillait pendant la nuit en disant qu'elle entendait des voix. Mais tu sais, elle avait de la misère à s'exprimer. Elle disait « J'entends des bruits. » Fait qu'ils ont fouillé avec des espèces de senseurs électriques, pour voir c'était quoi. Et là, il disait « Ah, depuis qu'on a béni la maison, il n'y a plus de signes, il n'y a plus rien. » Et rapidement, pendant le générique, il y avait une voix off par-dessus disant « Nous nous sommes rendus compte, après étude, que les vibrations électriques étaient causées par le réfrigérateur collé sur le mur. Oh. » Dit très, très rapidement dans le générique. Wesh, c'est hallucinant. Écris-le à la limite, mais dis-le pas. Écris-le, ou à la limite, rends-toi compte que ton topo, c'est un peu de la shit. Ça n'a pas fait, de bon sens. Désolé. Ouais. Ils disent ça rapidement en générique parce qu'ils savent que personne ne l'écoute. Ouais. C'est hallucinant. C'est ridicule. Wow. Justine de Laval a écrit « Change d'amis ». Et Yannick Guérette a écrit « Pour garder ses amis, il faut juste pas parler de religion ni de politique avec eux. » Ouais, mais tu sais, en même temps, l'histoire de fantômes, je sais que c'est étrange, mais c'est jamais plate en entendant parler. Non, c'est pas parler, au contraire. Au pire, si quelqu'un en parle, c'est pas grave. Tu l'écoutes, puis ça devient comme si tu contais une histoire. C'est bon. Comment esquiver la conversation sans faire de fret? Est-ce que la technique du « je me bouche les oreilles et je fais fort » est appropriée pour ce moment-là? Raconter pire. Oui, raconter pire. Dire « moi, je peux pas, j'ai été touché par des fantômes de 7 à 11 ans, donc j'aimerais mieux pas… » Pour faire Penelope, là, le personnage dans SNL qui avait toujours un de plus. Oui. Ben moi, j'ai deux papas. C'est ça, t'upgrade. Mais Oui, c'est ça. Mais là, tu sais, lui, dans son problème, il y a des fois la famille même, tu sais, c'est ça. Donc, ouais. peut-être être dans l'état d'esprit d'un bon film au cinéma ou d'une histoire. C'est ça, comme une légende. Oui, c'est ça. Ouais. Puis faire... Oui, puis peut-être essayer de rajouter. J'ai entendu dire que... Puis là, t'en rajoutes. Ouais, ouais. Mais... Ou tranquillement raconter une histoire qui s'est prouvée démentie, mettons. Mm. Okay, ouais. Il y a une femme qui pensait qu'elle avait telle affaire, le crucifix était tombé pendant qu'elle écoutait l'exorciste pour finalement se rendre compte que c'était juste un mauvais affaire de l'affaire. Ouais. Juste expliquer là, une histoire. Où... Ouais, essayer de contrebalancer. Ou non, mais tu dis pas la fin. Tu dis pas là, que ça a été démenti, mais plus tard, tu reviens comme ou tu lui fais remarquer. Il faut que la personne le lise d'elle-même. Là. Puis elle te revient et fait « Non, ça a été démenti, ce que tu m'as dit l'autre fois. » La crotte d'oiseau avec le visage de Jésus avait été mise là volontairement par Jésus. Par contre, pas un oiseau. Le grilled cheese avec le Hitler. C'est la fête de la Sainte Vierge. J'ai vraiment eu un grilled cheese. Avec il s'est vendu sur eBay, une fortune. Il n'y a pas la photo du... Le cul d'un chien. Oui, non, mais ça, c'est ça fantastique, bon. Cette photo-là. Dans l'anus ressemble, oui. On jurait Jésus. Jésus était paru dans le cul d'un chien. Ça se peut pas, des coïncidences comme ça. Il est tellement bien fait. Je sais pas combien c'est vendu le cul du chien sur eBay. C'est drôle. Incroyable. Mais tu sais, en fait, c'est que c'est vraiment deux débats différents, mettons, la foi puis le paranormal, tu sais. Oui, la foi, mais... On peut mettre certaines histoires de certaines religions presque dans le paranormal, je veux dire. Oui, c'est vrai. C'est les miracles. Mais l'inexpliqué reste l'inexpliqué. Donc, il faut qu'on se permette de rêver. Tu sais, quand il y a vraiment quelque chose qui est arrivé, c'est inexpliqué. Les choses, c'est scientifiquement prouvé. C'est arrivé. Mais c'est inexpliqué, ça ne veut pas dire que c'est magique ou que c'est phénoménal. Non, c'est tout simplement qu'on ne le comprend pas. En médecine, ça arrive sans arrêt. Là. Mm-hmm. C'est vrai. L'inexpliqué. Ouais. Là, une autre tranche de vie. Sur l'émission, l'émission sur laquelle je travaillais l'année passée, une émission aidée, on cherchait des sujets. Puis là, parmi les sujets, c'était la magie. Okay. Puis là, on sortait les affaires. Ouais, on pourrait pouvoir parler de magicien, tout ça. Là. Puis là, puis on parlait du paranormal aussi, tout ça. Puis comme, là, paranormal, moi, je suis comme pas à l'aise. Ouais. Là, parce que on parle aux jeunes ici. Puis, je sais pas. C'est tendance. Puis il y a une recherchiste, ça fait... Bon, on pourrait parler de l'inexpliqué, tu sais, la magie comme les cellulaires, comment ça fonctionne? Je comprends pas ça, moi. C'est de la magie. Mais oui, c'est de la magie. C'est vrai que c'est de la magie moderne. Les textos. Pour mes grands-parents, c'est de la magie. Mais oui, mais tu sais, c'est pas parce que tu comprends pas que c'est de la magie. Non, mais justement, mais retourne, mettons, 200 ans en arrière et montre ton iPhone et pour eux, c'est de la magie. Parce que c'est inexpliqué. Ouais, exact. Ils ont mis Mozart dans ces petites boîtes. Peux-tu croire? Les réactions, juste dire, excuse-moi, je crois pas à ça. La bullshit, ça me donne mal à la bullshit. L'ignorance me pue au nez. Ouais. Veux-tu rester mon ami? Ben arrête. Ou arrête. Veux-tu rester mon père? Ben arrête. Ouais. Mais il paraît que plus on en parle, plus ça les attire, les fantômes. Mais l'astrologie, tu sais, c'est quand même dans ces exemples, ça c'est... Ah oui, l'astrologie. Hein. Mais il y en a qui, même sans croire à ça vraiment, vont lire quotidiennement. Là, mais c'est entertainant. Ouais, c'est ça. Ça reste quand même une madame qui écrit un peu mal, qui écrit des affaires drôles. Mais depuis qu'ils ont sorti le fiasco du signe serpentard... Oui, là, ça a-tu pogné, ça? Oui, oh non. Hein. Mais ça existe encore. C'est pas dans l'horoscope qu'on voit. Il y aurait 13 signes. Oui, ça déboîte tout. Mais je pense qu'à la base, il y avait aussi 13 mois. Tu sais, les mois étaient divisés en... Oui. Ben, moi, il y a quelque chose. On pourrait inventer un drôle, nous autres, ça semble. C'est tellement notre genre d'affaire. C'est prochain astrologique. Oh, wow. Non. Un mois drôle. Un mois. Aïe. Le Marcier. Sectobre. C'est bon. Septembre. Hey. C'est le mélange de ou et mai. Hey. Je suis né en A. C'est plate d'avoir sa fête en A. Un vendredi. Ça peut être juste novembre. Il y a déjà un événement. Oui. La promotion est facile. C'est facile, ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? quelque chose de sexuel. Non, mais franchement, t'es sage depuis qu'Antoine n'est pas là, Mathieu. Là. C'est vrai. Si c'est l'écart qui est moins. Je pense que c'est la permission. Il a le droit de le faire. Exact, oui. C'est ça. Ouais. Non, mais c'est comme tout des sujets qui m'interpellent personnellement. C'est vrai. Mais comment réagissez-vous quand quelqu'un fait « Ah, ben lui, on sait bien, c'est un taureau, hein? » Ah ben. Non, mais des fois, même, ça m'arrive régulièrement, quelqu'un dit « Ah, t'es Gémeaux, c'est pour ça qu'on s'entend bien, parce que moi aussi, je suis Gémeaux. » Puis, j'acquiesce sans poser plus de questions. Je prends pas le temps de... Mais t'étais pas pour dire « Non, on s'entend pas si bien que ça, je pense. » Non, mais vraiment, ça... Je t'aime pas. OK, bien, oui. Mais quand la personne revient et revient, puis c'est ça, là, tu sais, tu fais « Hey, à matin, je suis posé de gagner 1 million aujourd'hui. » Là, tu fais « Ah! » Ah non, ça, c'est con. Mais mettons ça, je pose la question. Tu sais, les types de personnalités issues des signes astrologiques, trouvez-vous ça un peu crédible? Mais, tu sais, savez-vous c'est quoi par rapport à vous? Mais je pense que pour moi, c'est encore une question de circonstances. Ouais, tu fais des liens, tu sais. Puis tu fais « Ah oui, c'est vrai. » Oui, c'est vrai. Comme l'astrologie, c'est la même chose. Tu lis un résumé, puis tu fais « Ben oui, c'est vrai qu'à la job. Ah, l'autre fois, ben oui, il me dit ça, puis j'ai ça. » Tu fais des liens. Numérologie. Mais je sais pas si tu te rappelles, JP, à Manon, on avait croisé un... Il y avait un homme qui venait tout le temps voir nos spectacles au conservatoire qui était un freak d'astronomie. D'astrologie. Numérologie même. De numérologie, de tout, je pense. Et puis, à chaque fois qu'on finissait nos shows, il venait nous demander. Ben, tu sais, le premier show qu'on a fait, il venait nous demander chacun nos signes astrologiques. Et à un moment donné, il m'a demandé c'est quoi ton ascendant, t'es né quelle date, ok, quelle heure. Puis, je me promenais avec JP, puis il s'est mis à me parler de moi. Tu sais, il me dit toi, t'es un peu plus comme ça, t'es un peu plus de même, nanana. Et il a parlé de JP et parlé de notre relation ensemble. Puis, franchement, il avait raison sur pratiquement tous les points. Ah, oui. Ouais. Et c'était quand même assez. C'était intéressant, puis c'était flagrant. Ouais. Voyons, on dirait qu'il. Mais je pense vraiment qu'on fait des liens. Tu sais. Il y a des gens perspicaces aussi qui. Tu sais, c'est ça, de faire des liens, de voir un peu l'attitude des gens. Oui, mais en même temps, c'est pas que, je pense pas que c'est que des charlatans. Je pense qu'il y a quand même Mais on prend notre propre vérité dans ce que les gens disent. Oui, c'est ça. Exact, on fait des choix. Mais tu l'as dit, combien de fois ils venaient te voir jouer? Ouais. Tu te vois aller. Mais voyez mes personnages. Mais oui, mais comment tu les interprètes? peut-être. Ouais. Qu'est-ce que je dis? Moi, j'ai pas vraiment ce problème-là. Je côtoie pas vraiment de gens qui m'en sortent des. Ou du moins, quand ils en parlent, on n'a pas nécessairement envie de se sauver de là. Mais non, c'est intéressant. On n'a pas d'amis qui en parlent. Ben non, c'est sûr. Moi, le plus gros que c'est passé, c'était toi, Mathieu, qui me demande pourquoi j'ai pas fait baptiser mon gars. Ouais, ça me gêne que tu comptes ça en onde. Mais pourquoi tu l'as pas fait baptiser, Fred? Ben moi, pourquoi tu as demandé ça, toi? Non, mais moi, pourquoi tu demandes ça à Mathieu, toi, JP? Hey, on se demande plus rien! Okay. Non, mais moi, en fait, c'était le fait que tu es quand même issu d'une famille italo-québécoise. Puis, tu sais, dans le fond, moi, mon beau-frère, c'est la même chose. Puis, ils sont super religieux. Fait que je demandais si, mettons, ton père ou ta mère aurait voulu. Non, mais en fait... C'est pour ça que j'ai demandé ça. Non, mais moi, je pense que c'est un choix personnel. Puis, tu sais, moi, après y avoir... Tu sais, quand j'ai fait ma première communion, puis ma confirmation surtout, là, j'ai confirmé quelque chose que je comprenais pas. Ouais, je comprends. Et ça, après coup, là, tu sais, rendu au cégep, tu fais « What the fuck? » Tu sais, pourquoi je suis là-dedans? Ouais. Puis... Mais bon, là, c'est toute une affaire de se faire apostasie. Ben, ça a la signification que ça a pour toi. Tu as fait ta confirmation, mais c'est pas comme si on t'avait tatoué quelque chose dans le dos. Là, ta confirmation, c'est symbolique à cette époque-là. Mais aujourd'hui, tu n'as pas un statut particulier vu que tu es baptisé. Tu peux rentrer dans des places. Oui, c'est sûr. Non, mais écoute, j'en veux pas à mes parents, là. Je veux dire, c'était comme la tradition, puis tout ça. Mais moi, je pense que si mon gars a une ouverture vers les valeurs chrétiennes, moi, je n'y empêcherai jamais de faire ça. C'est ça la mode, maintenant. C'est un retour à ça. S'il veut se faire baptiser, mais qu'il ait l'âge de choisir. S'il me pose des questions, il choisira. Mais tu sais, ce qui est un peu hypocrite, c'est, mettons, les filles qui prennent le 4 sacrements dans la même journée là, avant de se marier à l'église. Ça se fait, ça? Ils se vendent des packages de même? Ils se vendent des packages en sacrements. À Vegas. En char. Four sacraments. Ah, c'est drôle d'ajouter ça, tu sais, comme les autres sacrements d'avant. Là, juste à côté de la chapelle. Ouais. T'sais, vous savez qu'à l'époque de nos parents, un des sacrements venait avec un soufflet aussi. Hein, les... Ah oui? C'est vrai, donc, vous savez avec une ça? Claque sur la gueule. Une petite claque sur la gueule. C'était lequel, les sacrements? Je pense que le... Pas le baptême. Le pardon, en fait. Ouais. Le sacrement du pardon. Ouais, c'est comme, il fallait que tu manges une petite claque. Le pardon, c'est quelque chose qui venait régulièrement quand on allait à la confesse, en fait. Oui, c'était une claque sur la gueule. Ouais. Est-ce que le curé ouvrait sa petite grille? Peut-être, je sais pas trop. Écoute, ouais. Fort. Pas le pardon, je me trompe. Là. Je pense qu'il y en a un qui ont enlevé. En le fait. Mariage. Le mariage. Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. Oh, mais ton frère est le marié. Oui. Ah oui. Hey, c'est mythique. Mais je ne sais pas si on a bien répondu à sa question pas qui tant, est vraiment hein? D'essayer d'esquiver sans. Ouais, mais tu sais, Banjo, c'est un peu le de fait, philo. Banjo, ouais. C'est un habitué. Ouais. C'est ouais, ça. Ouais, il connaît ça. Il s'arrange. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, mais je pense qu'il aime ça exposer aussi des choses là, où on discute allègrement. De... prétexter la peur, tu sais, comme « Ah non, moi ça me fait peur, cette histoire de Jésus-là. Mm-hmm. » Mm-hmm. Non? Peut-être, hein? Se dessiner des stigmates. Ah oui. Chaque fois que quelqu'un en parle. Ne m'en parle pas! Tu saignes des mains. Je saigne des mains. Tu parles en latin à l'envers. Ah, regarde. Toujours garder une petite poche de sang là, dans la bouche. Au cas où. Disparaître. La petite fumée, là. La petite boule de fumée. Ouais. Disparaître tranquillement. Puis finalement, si tu le revois un peu plus tard, excuse-moi, je pratique un tour de magie. Ouais. Un vieux truc là. D'impro, paralysé. Ouais, figé. Plus bouger, figé sur figé. Place. Figé. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Se garder comme quatre gars en stand-by sur des chevaux. Puis là, quand la discussion part. Non, arrête, les cavaliers de l'apocalypse sont ici. Fait que les quatre gars, il faut qu'ils soient en stand-by. Ouais, ils sont en stand-by. Tous les gars qui lancent. Mais peut-être installer un rituel avec les gens qui, justement, avec qui on a ces problèmes-là. Puis de faire un 15 minutes de débat. Au début de chaque rencontre, puis après ça, on n'en parle plus. C'est bon. Ouais. Puis là, t'es fâché le restant de la journée. T'es fâché, ouais. Ouais, ouais. Non, non, mais OK, c'est le. Rassemblez-vous, les amis. On commence ça dans. Ben, peut-être pas 15 minutes, ça, là, mais un 5 minutes de débat. Bing. Les gens votent. T'as gagné pour la journée. La prochaine fois, on en reparle. Jésus versus. Pas Jésus. Ouais. Ouais. Bichnou. Bichnou. Oh. Ah, Mathieu. Hey, c'est pas moi. Moi, j'ai achoumé. Mais tu sais, on a tous nos anges. Hein, mes beaux anges. Cher ange. Cher ange. Mon petit ange. Mon petit ange, ouais. Ben non. Tu vas faire un t-shirt écrit. Je crois pas à ça. Parlez-moi pas de ça. Mm-hmm. Je suis prof de philo. Ouais. Les esprits ne me parlent pas, toi non plus. Oh, très bon. Ouais. Ouais. Ou peut-être de faire des revendications, tu sais, de faire, par exemple, pour la religion, tant que cette religion-là n'a pas accepté telle affaire, elle n'existe pas pour moi. C'est bon, ça, quand même. Ouais. Puis tu sais, là, tu fais avancer tes causes en disant tu vas me gagner si tu fais avancer. Tu sais, un peu de lobbying. Ouais. Très bon, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Utiliser ça à ton avantage. Ouais. Ça peut finir qu'ils vont nommer un pape complètement wild. Là. Une papesse. Une papesse. On veut Mado Lamotte au Vatican. Hey, ça serait-tu pas fatigant? Moi, je prendrais Madonna. Madonna, ah ouais. Madonna comme pape. Elle est déjà rendue assez vieille. Ah ouais. Ou Sinead O'Connor. C'est peut-être pour ça qu'elle avait déchiré la photo. Elle était jalouse. C'est ma place. C'est ma place. J'ai encore pris ma place. Il a volé mes cheveux. Il a volé mes cheveux. J'ai un poil. Ouais. Ben, hey, c'est dur d'avoir une solution préférée. Ouais. Il faut chérir ces moments-là puis aller au fond de la chose. Ouais. Parents, mais c'est ça, dépendamment, amis, parents, collègues, date potentiel. Bon, date potentiel, ça part deuxième. Plus touché, c'est ça l'affaire. Plus touché. Ouais, parce que si ça te parle de ça, ça témoigne de plus. Là, ça dépend de son booty. Ouais. Il y a des fois le boulet peut faire accepter certaines discussions. Ouais. Praise the Lord! Ah oh, oui! M'a me convertir. Ce cul-là vient du paradis, c'est sûr. Ah, c'est drôle. I believe in those love melons. Mais parents, ben, tu sais, c'est la famille, on est toujours avec. Les amis, je peux pas croire que tu peux passer autant de temps. Ou j'imagine si ça fait aussi. Tu sais, comme nous deux, là, toi, Martin, et moi, ouais. OK, qui croit pas aux fantômes et toi qui clairement en vois partout. Non, c'est pas ça que j'ai dit, que ce soit clair. Là. Depuis tantôt qu'il fait des sauts. Parce que dire... ici, comme on est nous cinq qui sommes dans la pièce depuis tantôt. Ah oui. Non, mais je fais des blagues, mais si ça fait longtemps que t'es avec, tu connais cette personne-là, puis d'un jour au lendemain, il y a une révélation, ça change pas la... C'est juste la... drôle. Là. C'est ça, tu vis avec, puis c'est fini, là. Tu fais, bon, lui, il croit à ça, tant mieux pour lui, puis c'est fini, non? Ah oui. Tu sais, si t'apprécies la personne, puis t'es son ami depuis assez longtemps, je pense que... Mm-hmm. Ouais. Mais les collègues, par contre, ça doit être spécial. Ouais. Ouais. Mm. Mais s'ils parlent tout le temps de ça, c'est gossant. C'est sûr, c'est gossant. Ils vont se faire renvoyer. Non, ils en parlent une fois. Il y a des gens avec qui là, tu fais OK, on ne croit pas la même affaire là-dessus, fait que c'est bon, on ne parle plus de ça, c'est fini. Mettons, comme les beaux-parents, ça arrive souvent. Fait, on ne peut pas ouvrir ce sujet. Quand on parle de politique là, en famille, souvent les opinions sont tellement différentes que tu fais oh, on ne parlera pas de ça. Mm. C'est quoi la phrase? Le sujet est clos. Let's agree, we think you're stupid. Let's agree, we think you're stupid. Voilà. Si vous avez des solutions préférées, envoyez-nous-les sur Facebook, Twitter. Oui. Écoutez mon fantôme d'amour ensemble, je pense que ça va tout régler, toutes les questions sur la vie, l'amour et la mort. Tant que je vois pas quelqu'un bouger une scène dans le vide, ou je vois pas, pas quelqu'un... Ouais. Je crois pas. Envoyez-nous ça et allez sur iTunes. 5 ou rien. Allez sur Balado au Québec. Oui, aussi. Mm-hmm. On veut 5 ou rien. Là, les crottés qui n'ont pas mis 5, là. Hein? C'est qui ça? C'est ceux qui ont d'autres podcasts c'est sur Balado. Sûr. Y a-t-il des gens qui n'ont pas mis 5? Ben, on a une moyenne de 4,7 à peu près. Il y en a qui n'ont pas mis 5. Non, on n'aura plus jamais 5. Ils n'ont sûrement pas écouté l'émission. Ils n'ont pas écouté les bonnes. Mmh. Ça me fâche tellement. Mmh. Il croit pas à notre podcast. Non, c'est ça. Peut-être que c'est ça. Banjo arrive dans son milieu de travail, puis là. Il parle de ça. Il parle de pas de problème, puis là, il y a encore quelque chose qui n'existe pas. C'est quoi ça, des balados? Voilà. Eh bien, continuez à nous écrire. Hein. Et puis, croyez à ce que vous voulez. Mmh. Mais faites pas chier les autres avec. Ouais. Un mot de la fin d'outre-tombe, Mathieu? Vous avez un problème, nous avons un podcast. Merci, Monsieur Gignac. Il est mort.